franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Sacha Distel. Jacques Chancel. Je reprends une formule qui vous est chère, elle est de vous. Sacha Distel, un débutant qui a 15 ans de carrière. 13 ans. 13 ans. Alors là, je reconnais à la fois votre modestie et votre ambition. En clair, je peux traduire, Distel existe, mais vous n'avez encore rien vu. Le grand Sacha balbutie encore. Les années seront sensationnelles, est-ce bien cela? Oui, c'est ça, c'est pas tout à fait ça. En fait, j'essaie d'avoir, même sur la longueur, encore plus de modestie que ça. J'essaie surtout de me tenir à ma place le plus possible et je suis surtout parfaitement conscient. Et peut-être que le mot débutant est un petit peu... C'est vous qui l'avez dit. Oui, oui, je l'ai dit, mais je l'ai dit il y a quelque temps déjà, ça ne date pas d'hier. Et je trouve qu'en fait, le mot perfectionniste serait peut-être plutôt celui qui conviendrait. Lorsque vous dites « j'essaie de tenir ma place », ben oui, parce que je considère que tout est relatif et que la chanson, ça n'est jamais que la chanson, que la musique de variété, ça n'est jamais que la musique de variété, ou la musique de jazz n'est jamais que la musique de jazz, et que, dans le fond, dans un métier en France, ou particulièrement en France, où l'on considère que les seuls gens valables sont ceux qui envoient des messages, comment dirais-je, mon ambition n'est pas du tout d'envoyer des messages, mon ambition, au contraire, est simplement de faire plaisir aux gens. Et c'est pour cela que cette ambition, puisqu'elle existe quand même, reste limitée. Vous considérez seulement comme un baladin? Vous avez l'air d'avoir des regrets, en plus. Non, je me considère comme un baladin qui s'amuse beaucoup en essayant de faire plaisir aux autres, ce qui est déjà une gageure en soi. Mais oui, mais en disant tout cela, vous regrettez peut-être de ne pas être quelqu'un d'autre. Non, parce que si j'avais voulu être quelqu'un d'autre, si j'aurais essayé d'être quelqu'un d'autre. Et je me sens assez bien dans ma peau, dans le cadre qui m'est fixé, que je me suis fixé peut-être. Enfin, on prononce Sacha, ou plutôt, on prononce oui Sacha et on pense Distel. Oui, je ne sais pas. Et en fait, c'est assez vrai parce que j'ai pris l'habitude que l'on m'appelle Sacha. Et récemment, j'ai lu dans un journal un article qui était du reste très gentil, qui me concernait, et où on m'appelait Distel. Et ça m'a, maintenant que vous me le dites, en fait, ça m'a choqué de le lire. Je me disais, c'est drôle, on m'appelle Distel, c'est la première fois que je vois ça. Vous ne pensez pas qu'il y a eu quand même Sacha Guitry? Oh, oui, mais enfin, je pense de toute façon... Simplement sur le plan du Sacha. Oui, ben je pense que de toute façon, même, bien sûr qu'il y a eu Sacha Guitry, et puis il y a aussi Sacha Pitouef, il y a beaucoup d'autres Sacha, il y en a quand même moins que de Pierre ou de Paul. Enfin, cela vous étonnera... Ou Jack, pardon. Enfin, cela vous étonnerait que l'on puisse dire de notre Sacha. Sacha, c'est vous, et vous le savez en plus. Ben oui, c'est moi, mais enfin, comme je vous le disais, tout ça n'est finalement que relatif. Enfin, ça durera ce que ça durera, et puis un jour, peut-être demain, il y en aura un autre. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Vous êtes déjà armé pour être complètement oublié? Je suis armé pour qu'il y ait d'autres gens, ça c'est tout à fait normal, on n'est pas seul. Puis de toute façon, comme le disait l'autre Sacha, c'est-à-dire Guitry, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Il y a également Victor Hugo qui le disait. Vous pensez, Sacha Distel, que vous avez été inventé pour ce métier-là? Ou il y avait autre chose au départ? Ou bien, je pense avoir été dirigé. Je suis né quand même dans une famille où les gens faisaient beaucoup de musique, puisque ma mère était prise de conservatoire de piano et mon oncle fait encore une carrière dans le music-hall. Ray Ventura. Oui, donc dès le début, si vous voulez, j'étais orienté naturellement. Je n'ai pas vraiment eu beaucoup de choix. Enfin, j'avais ça, ou faire de la musique, ou aller vendre des lustres avec mon père... Il était ingénieur, votre père? Mon père était d'origine russe et est venu en France à la Révolution russe. Et ne parlant pas très bien le français, la seule chose qu'il ait trouvé à faire, c'est de la chimie, puisque les formules suffisaient. Mais d'ingénieur chimiste qu'il est devenu, enfin, ça l'a pas beaucoup aidé. D'où vient ce nom, Distel? C'est le nom original. C'est le nom. Sacha, par contre, est un diminutif. Sacha est diminutif d'un prénom russe qui est Alexandre. Enfin, il y a une grande époque, ça a été 57, 58, 59, où alors vous étiez le numéro 1 hit parade des musiciens, des guitaristes. C'est avant ça. C'est avant cela. Oui, 58, en fait, 59, c'est la date de sortie de Scooby-Doo, c'est-à-dire mes débuts de... début de mon succès en tant que chanteur. Mais les histoires de guitare, c'était pas le hit parade, ça s'appelait pas comme, c'était un des référendums, c'est en 54, 5 et 6. Vous aviez fait de bonnes études? J'ai passé mes bacs, oui, philo. Vous avez des diplômes? J'ai ce diplôme-là, il ne m'a servi à rien, mais enfin je l'ai. Mais alors comment vous êtes passé de la musique à la chanson? C'est dans la chanson que vous pouviez devenir une véritable célébrité. Dans la musique, vous auriez été toujours un peu ignoré. Oui, sûrement. Par le gros public, en tout cas, sûrement. Ça n'avait pas d'importance. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais destiné à être éditeur de musique, c'est-à-dire à reprendre éventuellement, si je m'en montrais digne, l'affaire d'édition de musique de mon oncle. Et en tant qu'éditeur de musique, c'est que le métier d'éditeur de musique consiste à trouver des chansons et à les faire chanter et enregistrer par les vedettes. Et une fois que le disque est fait, à aller, bien sûr, les proposer aux gens de radio pour qu'on joue ce disque à la radio ou à la télévision pour que ça devienne un succès. C'était donc mon métier. Et puis j'avais des gens à l'édition, dont un monsieur qui s'appelle Paul Mizrahi, qui a fait de ravissantes chansons, qui m'avait un jour apporté une chanson absolument merveilleuse dans le style de ce que j'aimais, de ce que j'aime toujours beaucoup, c'est-à-dire le style Sinatra, américain, un peu crooner. Et puis, j'ai essayé de placer cette chanson partout, et aucune des grandes vedettes et des moins grandes vedettes que j'avais vues à l'époque en France n'ont accepté de chanter cette chanson. Et j'avais un copain américain qui était arrangeur et qui travaillait pour la même maison que moi, qui m'a dit « Pourquoi est-ce que tu chantes pas toi-même ?» Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier disque. Alors, lorsqu'on a une femme, deux grands-enfants, deux grands-petits-enfants, oui. On n'est plus un playboy. Mais je ne pense jamais avoir été un playboy. La définition du mot playboy, je crois... Alors, je l'attends, cette définition. Au départ, c'est quelqu'un qui vit de ses charmes, enfin, je crois, qui a souvent un papa qui a existé avant lui et qui, de ce fait, n'a pas beaucoup de besoins. Enfin, je dis, il n'a pas besoin de travailler pour vivre, en tout cas. Donc, il peut utiliser ses loisirs à faire la cour aux jeunes femmes. Et bien sûr, étant donné qu'il a le temps, avoir plus de succès, peut-être, que des gens qui travaillent. Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé. Je continue à travailler, même presque de plus en plus. Ah, vous aviez un père bien installé? Vous aviez un nom convenable? Non, mon père, ça n'avait rien de très confortable. C'était tout juste ce qu'il fallait. Et mon oncle, en fait, je l'ai jamais tant vu que maintenant, mais à l'époque, je le voyais presque jamais, je pense qu'il ne m'a jamais... Au contraire, il profitait du fait que nous étions parents pour ne pas me payer quand je travaillais pour lui, ou tellement peu que ça valait même pas la peine d'en parler. En tout cas, n'allez pas croire que j'ai pu penser que vous avez vécu de vos charmes. Non, j'aurais bien voulu, du reste. Je dois vous dire très honnêtement que ça ne me procure aucun complexe, de toute façon, et que je suis même rempli d'admiration pour les gens, pour certaines personnes que je connais, et qui arrivent à le faire. Moi, je n'ai jamais pu. On peut s'étonner tout de même, Sacha Distel, que... vous n'alliez pas plus directement du côté du cinéma. Bon, il y a le dernier film de Philippe Labro, excellent, oui. Sans mobile apparent. Vous jouez d'ailleurs un rôle parfaitement antipathique. Oui, contre nature, bien sûr. Oui. J'attendais que vous le disiez. Bah, c'est Labro qui l'a dit, ça. Mais vous vous êtes interrogé avant de tourner ce film? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, j'ai une chose très importante pour moi. J'ai le culte de l'amitié, bien sûr, mais j'ai le culte des gens que je respecte et que j'aime et que je considère comme étant des professionnels. Et de la part de ces gens-là, bien sûr, je réfléchis toujours un petit peu pour savoir si vraiment je dois ou je ne dois pas, mais de la part de ces gens-là, pour ces gens-là, je suis prêt à faire souvent des choses qui paraissent très étonnantes. Et c'est le cas de Labro. Vous pensez au cinéma? Je pense beaucoup au cinéma, mais le cinéma ne pense pas du tout à moi. J'ai tout à fait franc avec vous. Je voudrais faire du cinéma et j'aimerais en faire beaucoup. Parce que je crois que maintenant, j'arrive à une espèce de maturité à ce point de vue-là. Et sur le plan photographique et sur le plan de l'action, enfin, je veux parler d'acteur. Mais on ne me le demande pas. Ou alors, ce qu'on me demande, c'est en général des films que 5 ou 6 personnes ont refusés avant moi et 5 ou 6 personnes qui s'y connaissent. Donc, s'ils les ont refusés, c'est qu'il y avait en général une raison. Vous feriez du cinéma même si vous deviez abandonner la chanson? Je pense qu'on peut faire du cinéma sans abandonner la chanson. Il n'y a pas de raison de passer d'un extrême à l'autre. Je crois qu'on peut continuer à jouer de la guitare tout en chantant des chansons, ce que je fais, et on peut très bien faire du cinéma tout en continuant à chanter. Je crois qu'au contraire, ça occupe un petit peu plus, mais c'est pas mal. Sacha, vous pensez qu'aux États-Unis, vous auriez fait une meilleure carrière ? Je pense que oui, très sincèrement, parce que je crois qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de compétition qu'en France, c'est sûr, mais de toute façon, j'ai toujours été pour la compétition, et je pense que la compétition vous aide à vous améliorer. J'essaye de m'améliorer, bien sûr, toujours en France, mais le fait qu'il n'y ait pas vraiment de compétition, je ne veux pas dire que les autres ne sont pas. Vous n'avez pas de rivaux en France ? J'ai des rivaux, bien sûr. Attention à ce qu'on dit. Bien sûr, des rivaux, des concurrents. Mais en fait, et je crois que je le prouve dans mes Sacha Show à la télévision, je trouve qu'il y a d'abord la place pour beaucoup plus de gens qu'il n'y en a, et je le dis très sincèrement et très honnêtement. Et quand quelqu'un arrive et que ce quelqu'un est de qualité, ma première réaction, au lieu d'être une réaction d'envie, si vous voulez, est une réaction, je suis content, ça me fait plaisir de voir que tout d'un coup, il y a un jeune qui arrive et qui fait quelque chose de valable. Je n'aime pas les tricheurs, je n'aime pas ce que j'appelle les charlots, je n'aime pas les bluffeurs, et quelquefois je le leur montre. Il y a du reste des tas de gens dans notre métier à qui je ne parle pour ainsi dire pas, enfin, non pas que je les évite, mais enfin, ils n'ont pas d'intérêt pour moi. Mais quand quelqu'un a de la valeur, j'en suis très heureux. Vous me disiez tout à l'heure, Sacha Distel, que vous n'aimiez pas tellement les gens qui lancent des messages. Enfin, je pense par exemple à des chanteurs comme Jean Ferrat. Oui, ce n'est pas que je les aime pas. Je veux dire, qui ont chacun quand même de la qualité. Oui, oui, mais on a tous les droits de toute façon. Mais je trouve que si on a quelque chose à dire, il y a d'autres moyens. C'est mon opinion, enfin c'est purement personnel. Il y a d'autres moyens de le faire que par le truchement des disques ou des interviews de radiodiffusion ou de télévision. Parce que je crois que, enfin, mon point de vue, si vous voulez, c'est quand on écoute la radio, quand on regarde la télévision, c'est plus pour se distraire que pour se faire ennuyer avec des problèmes bon, qui sont évidents, mais qu'on peut traiter d'une autre façon. Vous pensez que votre métier, c'est une fête d'abord ? En ce qui me concerne, oui, je vous dis, j'essaye de me faire plaisir d'abord, c'est très important, bien sûr, et par la même occasion, j'essaye de faire plaisir aux gens, de les entertain, de les... Oui, il n'y a pas de mots, enfin, de les distraire. Il y a des chanteurs que vous aimez ? Il y a beaucoup de chanteurs que j'aime. Lesquels, par exemple ? Par exemple, Henri Salvador. Vous lui devez beaucoup de choses, d'ailleurs, Henri Salvador. Je lui dois beaucoup de choses, et je lui dois surtout et aussi beaucoup d'amitié, ce qui est très important. Il était au début de votre carrière. Il était à mes tout débuts, c'est lui qui m'a appris les trois premiers accords de guitare que j'ai jamais su jouer. Il y a, dans les hommes, il y en a partout dans le monde. J'aime beaucoup Gilbert Bécaud aussi, avec qui je suis devenu, parce que ça n'a pas été facile au début, mais avec qui je suis devenu. Pourquoi lui avait peur ? Parce que, vous savez, il y a en France... un principe, c'est qu'il y a un chanteur qui arrive et puis il y en a un autre. Mais dans l'esprit des gens, il y a pendant un moment, enfin avant de franchir un certain cap, il y a toujours une certaine difficulté à admettre un... Enfin, à garder un ancien quand on a un nouveau ou admettre un nouveau quand on a un ancien. Alors, il y a toujours une espèce de petite guéguerre qui se fait comme ça de temps en temps. Alors, vous avez Gilbert Bécaud qui est une vedette et puis tout d'un coup, il y a un garçon qui arrive et que les gens commencent à bien aimer et qui s'appelle Sacha Distel. Et alors, je pense que le public, qui est souvent très ingrat, une sortie de gala, dit à Gilbert Bécaud, ah, Sacha Distel, on l'a vu, hein, puis on l'aime mieux que vous, et puis ça finit par énerver, comme après Sacha Distel, il peut y avoir Johnny Hallyday, Adamo. Il peut y avoir. Jacques Dutronc, il y a eu, bien sûr. J'ai eu les mêmes réactions. Vous savez, tous les ans, quand on fait notre tournée d'été, les organisateurs de gala, qui ne sont pas toujours des monstres de délicatesse, arrivent toujours en fin de gala à vous dire, ah, c'est pas mal, ah, on a fait autant qu'un tel, il y a eu autant de monde qu'un tel. Alors, ce qu'il y a d'amusant, finalement, sur la longueur, mais ce qui n'est pas amusant au début, si vous voulez, quand ça vous arrive, c'est de constater qu'à travers les années, les gens qu'on vous balance dans les trous de nez, comme j'ose dire, changent d'une année à l'autre, mais que finalement, on est toujours là. C'est ce qui est important. Vous savez que vous êtes aimé. Je le sais, je l'espère, je le sais, mais je dois dire que je fais tout ce que je peux pour être honnête avec les gens qui m'aiment. C'est très important. Je vous ai vu en certaines circonstances, et surtout en tournée, en province, et d'ailleurs en été, c'est là que véritablement on voit si les vedettes tiennent le coup. Oui. Et j'ai vu une salle que vous enleviez tout de suite. Alors je me suis demandé, est-ce que sa gentillesse est tout à fait naturelle ? Ah, ma gentillesse, je pense. Vous savez, le mot gentil et le mot charme sont deux mots qui me font un peu... Mais qui sont de vous, pourtant. C'est Pétula et moi, ça nous avons tous les deux cette réaction quand on nous dit on est gentil, on est charmant, ça nous énerve un petit peu. Mais en fait, bon, bah, si on le dit, c'est que ça doit être vrai, puisque je crois que les gens, et particulièrement à la télévision, du reste, ne se trompent pas, c'est une espèce de loupe grossissante. Enfin, je crois que vous en savez quelque chose maintenant. Donc, les qualités qu'on vous reconnaît, puisque c'est une qualité, enfin, je considère la gentillesse comme une qualité, je pense l'avoir. Maintenant, le fait d'enlever une salle assez vite, Il y a bien sûr de la gentillesse, il y a beaucoup d'expérience maintenant aussi. Et puis il y a, je crois que très, très sincèrement, très honnêtement, je suis toujours très heureux de monter sur une scène parce que j'aime ça, enfin c'est mon métier, mais j'aime ça, avec une mentalité d'amateur, enfin dans l'esprit, c'est-à-dire d'amateur. Je ne considère pas ça comme une profession, comme un métier. Je ne vais pas au turbin, j'y vais parce que j'aime ça et parce que j'en ai envie. Et je crois que j'ai un très très grand respect pour le public, même si quelquefois certains éléments dans ce public ne sont pas toujours aussi agréables qu'on le souhaite. Ça arrive très peu, mais ça arrive. Et je mouille ma chemise. Enfin, pour employer un terme de métier, je crois que les gens sont sensibles à ça. Enfin, vous disiez que votre métier était votre passion, mais ce métier est difficile. Vous avez sans doute eu des raisons d'être déçu. Oh oui, mais on a sans arrêt des raisons. Une chanson que l'on aime et qui ne marche pas. Oui, mais non, je parle surtout des gens qui vous entourent. Oui, très peu en fait. Très peu de déceptions parce que les gens qui m'entourent d'abord sont... Il y a très peu de gens. Je suis assez... Misanthrope ? Non, pas du tout. Ni misanthrope, ni misogyne complètement. Mais il se trouve que... mais il se trouve que les gens avec qui je travaille et qui travaillent avec moi, je suis, enfin, je pense assez réputé dans le métier pour ne jamais me trimballer avec une cohorte de grippe, comment, de pique-assiette. Vous alliez dire de grippe sous. Oui, c'est presque la même chose finalement, comme certains de mes collègues ont. Enfin, vous savez, vous n'en voyez jamais un sans en voir 15 derrière. En fait, les gens qui travaillent avec moi et avec qui je travaille, puisque chacun a son rôle et son utilité, sont très peu nombreux. Ce sont des gens que je connais depuis très très longtemps, en général. À votre cour, vous la rencontrez, mais vous ne la portez jamais. Mais non, je fais la cour à ma cour, car ma cour a au moins autant de valeur que moi. Vous avez deux enfants, vous voudriez qu'ils continuent dans cette carrière, ou vous avez pour eux des ambitions ? Non, la seule ambition que j'ai, là, vous savez, c'est un petit peu drôle, parce que, en fait, j'ai toujours l'air que tout soit parfait, d'être content, d'être satisfait, tout. Vous aimez que tout soit parfait. Oui, c'est vrai, mais en fait, je ne suis pas le parfait, maniaque. Loin de là, mais disons que je voudrais pour mes enfants essayer de faire ce que mes parents ont fait avec moi, c'est-à-dire essayer de m'ouvrir l'esprit d'une façon suffisante jusqu'à enfin, l'âge où ils sont en état de décider et de juger eux-mêmes, et ça arrive de plus en plus vite maintenant, ces choses-là. Et puis à partir de ce moment-là, eh bien, si j'ai pu leur donner tout ce que je pouvais leur donner jusque-là, je pense que la décision sera la leur et non pas la mienne. Vous avez le sentiment d'être un homme cultivé, ou en tout cas qui a envie d'apprendre ? Je n'ai pas le sentiment d'être un homme cultivé, c'est même une chose... je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps, je lis quand même beaucoup, mais malheureusement, je n'ai pas surtout le temps de la spécialisation en certaines choses. Par exemple, je suis passionné de choses spatiales, et ça m'intéresse beaucoup, mais malheureusement... quand je vois ce que mon fils, qui a 7 ans, apprend à l'école, ne serait-ce qu'en mathématiques élémentaires, et que déjà, il faut que je fasse attention je ne pense pas que ce soit, je crois que ce sont les méthodes nouvelles qui sont complètement différentes, et déjà pour ça, il faut faire attention pour tout comprendre. Alors, vous pensez bien, aller dans la Lune, c'est déjà notre problème. C'est encore une autre prétention, c'est pour vos fils que vous voulez être intelligent. Non, c'est-à-dire que je compte surtout beaucoup sur eux pour refaire mon éducation en suivant la leur. On va prendre une première pause musicale, je parlais de Sinatra tout à l'heure, vous l'avez choisi, Nancy. You can have fun with a son, but you've got to be a father to a girl. She mightn't be so bad at that. A kid with ribbons in her hair. A kind of neat and petite little tintype of her mother. What a pair. My little girl, pink and white as peaches and cream is she. My little girl is half again as bright as girls were meant to be. Dozens of boys pursue her, many a likely lad does what he can to woo her from her faithful dad. She has a few pink and white young fellas of 2 and 3. But my little girl gets hungry every night, and she comes home. I gotta get ready before she comes. Gotta make certain that she won't be dragged up in slums with a lot of bums like me. She's gotta be sheltered and fed and dressed in the best that money can buy. I never knew how to get money, but I'll try, by God, I'll try. I'll go out and make it, or steal it, or take it, or die. Sachez Diesel, je vous avais promis Sinatra et Nancy n'est pas venue. Mais Nancy, c'est une chanson que Sinatra avait écrite il y a quelques années pour sa toute petite fille, qui est maintenant devenue Nancy Sinatra, qui a déjà été mariée et divorcée 2 fois, qui vient de se remarier récemment. Mais la chanson que vous avez entendue, en fait, c'est une chose qui s'appelle Soliloque. Et c'est très amusant parce que nous sommes trompés, mais pas vraiment, puisque c'est en fait les questions qu'un père se pose sur l'enfant qui est à naître. C'est-à-dire, il demande si c'est un garçon, que fera-t-il? Si c'est une fille, que fera-t-elle? Donc, nous étions presque dans la vérité. Parlons de Nancy Sinatra, vous dites, elle a déjà divorcé 2 fois et ça a l'air de vous agacer. Oh non, ça m'amuse. Non, non. Mais pour vous-même, vous ne comprenez pas le divorce. Non, c'est-à-dire, je ne le comprends pas, enfin... Non, c'est très difficile. En fait, vous voyez, les notions de mariage, de divorce, j'ai sûrement l'air très bourgeois quand je parle de ça. Vous l'êtes ? Je pense que oui, à ce point de vue-là, en tout cas. J'ai toujours pensé, j'ai toujours considéré que, d'abord, si on se marie, c'est pour avoir des enfants et pour que ces enfants aient un foyer. Et puis, à partir du moment où on est marié, X années, où on a des enfants, je pense que... on doit rester marié, enfin, c'est important. À moins d'incompatibilité totale, enfin... Enfin, des notions solides. Oui, enfin, je trouve que c'est en tout cas raisonnable, puisque de toute façon, qu'est-ce qui peut vous arriver que vous ne connaissiez déjà, avec quelqu'un d'autre, ça, je veux dire. Vous êtes tellement équilibré, Sacha Distel, que vous ne pouvez pas vous tromper. Oh, je peux une carrière est bien tracée. Oh non, non, non, non, non, tout est à fait. Il y a les petits cailloux, là. Oh, bien sûr, toujours, mais c'est bien, ça, il faut ça. Ça met de l'imprévu, en tout cas. On écoutait Frank Sinatra à l'instant. Est-ce que vous pouvez avoir la voix de Sinatra? Bien, non. Parce que de toute façon, chaque être humain est différent. Et donc, si Sinatra a cette voix-là, c'est parce que, de toute façon, il y a peut-être des problèmes d'origine qui sont de toute façon différents des miennes. Il y a des problèmes physiques, ne serait-ce que purement de caisse de résonance, du palais, de la bouche, du nez, qui sont complètement différents des miennes. Il est aussi américain, et moi je suis français. La langue américaine est une langue qui prédestine quelqu'un à chanter de la variété, en tout cas d'une façon beaucoup plus facile que la langue française qui est pleine de nasal et de prend, tramp, crac, tous ces bruits-là qui ne sont pas très musicaux, il faut bien dire. Donc je ne pense pas qu'on puisse, la seule chose où je puisse essayer de me rapprocher de lui, c'est en travaillant, je veux dire, avec un professeur, ce que je fais, me rapprocher, parce que je considère que dans la musique de variété, Sinatra est certainement le chanteur qui chante le mieux, mais ça, une fois de plus, c'est mon opinion. Enfin, c'est une carrière de crooner que vous recherchez. Non, je ne recherche pas une carrière ni de chanteur, ni de crooner, ni de fantaisiste, enfin, quelle que soit l'appellation. Je préfère, oui, une carrière de personnalité. C'est-à-dire que, si vous voulez, mon métier ne consiste pas seulement à chanter. Je considère qu'il est agréable également d'animer, par exemple, le spectacle sur une scène ou d'animer un spectacle de télévision ou de jouer des sketchs ou de jouer la comédie et de danser, et de chanter, et de jouer de la guitare et de diriger un orchestre. Je sais pas, tout ça, pour moi, ce sont des facettes différentes d'un même métier, et j'essaye surtout d'apprendre et de savoir faire le plus de choses possible. Enfin, il est admis que l'on peut être soi-même dans n'importe quel métier, c'est cela qui est important. Oui, mais ce qui est très important, c'est qu'une fois qu'on est soi-même dans son métier, c'est d'arriver encore à développer son savoir-faire. C'est ça, c'est encore plus important pour moi. En tout cas, vous ne voulez pas être un frégueuli, un homme qui se disperse. Non, mais la dispersion qu'est-elle, enfin, vous comprenez, dans notre métier, en tout cas, il ne peut guère y avoir de dispersion. Si, le jour où vous arrêtez de chanter ou de faire le showbiz, enfin le métier de spectacle pour écrire des livres ou pour faire des conférences politiques, à ce moment-là, vous êtes frégolu, mais à mon degré, à moi, je ne crois pas. La politique ne vous embarrasse pas? La politique ne m'intéresse pas parce que de toute façon, chaque fois que je vois des hommes politiques faire des discours, j'ai l'impression de voir de mauvais acteurs. Alors, de toute façon, ça m'intéresse sur les idées générales, mais dans la pratique, je trouve que c'est un petit peu un panier de crabes qui se ressemblent tous, plus ou moins. Alors, à partir de ce moment-là, ça perd beaucoup de son intérêt. Vous pensez que les hommes politiques sont de mauvais comédiens d'abord? Je pense... non, ils ne sont peut-être pas de mauvais comédiens, ce sont des comédiens tout court, mais quelquefois leur façon de s'exprimer ressemble à celle des mauvais comédiens. Il y a des choses qui vous font peur dans la vie, Sacha? Oh, il y a beaucoup de choses qui me font peur, bien sûr. La mauvaise foi est une chose que je redoute beaucoup. La tricherie? La tricherie, en général, oui. Maintenant, j'essaie toujours de me défendre un petit peu contre... Je sens assez venir. Je crois que, principalement, la chose que j'estime être peut-être ma principale qualité, si j'ai des qualités, c'est d'assez bien sentir les gens. Et on peut m'abuser, mais jamais très longtemps. J'ai un assez bon nez. Enfin, vous êtes avec moi de ceux qui pensent qu'on peut tuer plus facilement avec des mots qu'avec un revolver? Non, je pense qu'on peut assommer avec des mots. Je ne pense pas qu'on puisse tuer. On tue les réputations souvent, on ne s'en rend pas compte. Oh, mais sur la longueur... on se rachète. Non, sur la longueur, les gens, le public à qui nous avons affaire rétablit toujours la vérité. J'en suis le meilleur exemple, du reste. Est-ce que vous accrochez à des choses essentielles dans la vie, des choses qui peuvent vous protéger? Oui, définitivement oui. Mais je suis quand même encore quelquefois blessé par des choses qui ne le sont pas. Et c'est ce qui m'énerve un peu, du reste. Vous avez envie de quoi, très précisément? J'ai envie de voir mes enfants, beaucoup. Enfin, j'ai envie de choses familiales qui me manquent un petit peu, vu la façon... De choses vraies? Oui, de choses vraies. Il n'y a rien de plus vrai que ça, de toute façon. Puis j'aurais envie quand même... J'ai envie de belles choses en général, mais malheureusement, plus j'avance en âge, plus je m'aperçois que c'est très très difficile. Les belles choses? Les belles choses. Sont lesquelles? Les belles choses dans la vie, un monde peut-être un petit peu plus joli, où il y a moins de misère, où il y a moins de gens qui souffrent. Enfin, on a l'air d'enfoncer les portes ouvertes quand on dit ça, mais c'est vrai. Où il y a peut-être, je sais pas, un petit peu moins d'injustice par-ci, par-là. Enfin, dans la mesure, oui, mais dans la mesure où on peut essayer d'y remédier, ce que j'essaie, où il y a peut-être un petit peu moins d'enfants malheureux. Ça me paraît être une chose primordiale. On n'empêchera pas les guerres. Il y en a eu depuis 2000 ans, il y en aura toujours. Mais enfin, dans la mesure où les enfants pourraient avoir à en souffrir moins que les autres, ça m'arrangerait bien. Enfin, pour vous, les enfants constituent le monde le plus vrai, le plus beau. Oui, et puis ne serait-ce que dans la mesure où ils sont de toute façon les hommes à venir. Les continuateurs. Vous pensez déjà à vos héritiers? Je pense forcément à mes héritiers, parce qu'ils tiennent une grande place dans ma vie, mais non pas en tant qu'héritier de Sacha Distel. Je pense à mes enfants en tant qu'enfant de demain, enfin en tant qu'homme de demain. C'est beaucoup plus important. Le fait qu'ils s'appellent Distel ou Tartampion n'est pas du tout une préoccupation pour moi. La profession qui vous rendrait fier si un jour ils doivent décider d'en prendre une? Ministre des loisirs, peut-être, quand même. Parce que vous êtes pour les loisirs? Je suis pour une organisation rationnelle des loisirs et je trouve qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. C'est-à-dire travailler 3 jours par semaine et le reste non, du non, temps non, apprendre non, à non, vivre. Non, non, non, non, non, travailler. Il faut travailler. Enfin, je ne sais pas. Bien sûr, les gens qui sont forcés de se pointer 3 jours par le semaine, matin à 7 heures, 6 heures par 6 jours par semaine, sûrement aimeraient travailler moins. Il y a une grande tension chez un chanteur avant qu'il entre en scène. Vais-je avoir ce public? Ne vais-je pas l'avoir? C'est la question. Oui, mais enfin, vous savez. Une fois de plus, il faut garder les proportions à toute chose. Enfin, c'est pas pire que... Enfin, je voudrais pas faire de démagogie, si vous le demandez. Ça n'est pas pire que de descendre au fond d'une mine pendant des journées entières. Bon, ben, bien sûr, le public va peut-être pas être aussi bon qu'on le souhaite. Oui, c'est beaucoup plus facile. Ça n'est pas pire qu'un monsieur qui pilote un avion avec 150 personnes ou bientôt 300 personnes à bord. Les responsabilités, finalement, sont limitées. Qu'est-ce qu'on risque? D'avoir un peu moins de succès ou un peu plus de succès ou de prendre une tomate sur son beau costume neuf? Ce qui ne m'est jamais arrivé, mais c'est arrivé à d'autres. Bon, enfin, c'est pas bien grave. Vous pensez que demain, vous pouvez ne plus exister en tant que Sacha Distel? C'est-à-dire être bien, je ne le pense pas, j'en suis malheureusement absolument certain. Mais je dois dire que ça ne me préoccupe quand même pas beaucoup. Enfin, j'essaye de faire durer le plus longtemps possible. Nous avons parlé tout à l'heure du film dans lequel vous jouiez, de Philippe Labrosse en Bobby Laparent. Et il faut bien reconnaître que Jean-Pierre Melville a beaucoup aimé ce que vous avez fait. Donc il y a peut-être un espoir de ce côté-là. Oui, j'espère. En tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais j'espère. En plus, Melville est parmi les réalisateurs français, certainement, de ceux que je trouve le meilleur. Enfin, avec qui j'aime en tout cas beaucoup travailler, ne serait-ce que parce que je sais, entre autres choses, qu'il aime beaucoup la musique. Et la musique de jazz particulièrement. Ça crée des liens. Sacha Distel, le jour où vous sentirez-vous personnellement que ça marche moins bien? Est-ce que vous aurez la sagesse de prendre une certaine retraite? J'en suis pas sûr, parce que j'ai déjà senti à un moment donné, il y a quelques années, un relâchement. Ça marchait moins bien, à l'époque de la vague yéyé. Vous êtes passé à travers quand même. Oui, mais si j'avais dit à ce moment-là, ça marche moins bien, je m'arrête, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, j'ai continué. Si maintenant, sur la longueur, je vois que vraiment, faut commencer à faire les poubelles pour avoir à manger, alors je crois vraiment qu'à ce moment-là, au bout d'un certain temps, je finirai quand même par comprendre et j'essaierai de faire autre chose, enfin. Vous êtes armé pour ne pas être chanteur? Oh, oui, oui, je pense. Enfin, je crois de toute façon que les gens qui arrivent à connaître une certaine réussite, je ne dis pas à réussir, mais à connaître une certaine réussite dans une branche, peuvent toujours, d'une façon ou d'une autre, avoir sûrement une autre réussite dans une autre branche. Je crois qu'à partir de ce moment-là, c'est une question d'orientation. On dit souvent de vous, Sacha Distel, c'est un joli garçon. Joli, ça ne vous gêne pas? Oh, je vais vous dire, rien ne me gêne, finalement. On peut dire ce qu'on veut, enfin, j'ai non, mes... Non, mais je l'entends souvent, hein. Non, mais j'ai mes opinions aussi, je sais parfaitement... Oui, vous dites, je n'aime pas mon physique. Mon ambition n'est de toute façon pas d'être joli, ni mon ambition... Enfin, ce que je désire dans la vie, ce qui me fait plaisir, de toute façon, c'est pas d'être joli garçon. Bon, il faut reconnaître quand même que si on a un physique agréable, et je considère avoir beaucoup de chance par rapport à d'autres. Tout est relatif, une fois de plus. Bon, mais ça peut aider dans le métier que je fais. Je pense que ça aide, très honnêtement. Maintenant, tant mieux. Bon, mais si c'était différent, ben, ça serait différent. Il n'y a pas de quoi pleurer quand même. On prend une deuxième pause musicale. Là, vous avez choisi J'ai choisi les Blood, Sweat and Tears, parce que c'est un groupe, je crois que c'est parmi tous les groupes, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, celui que je préfère. Et voilà, ben, nous l'écoutons. Nothing that your daddy wouldn't do. evil woman child. Devil got you loosely under lock and key. Ain't about to set you free. Sign, sealed, and witnessed on the day you were born. No use trying to fake him out. No use trying to make him out. Soon he'll be taking out his cue. What you going to do? Messed up, babe, and the clothes you're wearing just don't fit you right, no. Daddy Joe's paying your monthly rent. Tells his wife he can't imagine where the money went. Dressing you up in style, evil woman child. Oh, Lucy, you just so damn bad. Pour ceux qui prendraient l'émission maintenant, je rappelle que mon invité aujourd'hui est Sacha Distel. J'ai l'impression qu'on ne fait pas toujours confiance aux gens heureux. Et en ce qui vous concerne, on vous accorde trop de facilité. C'est-à-dire, on dit souvent, il est toujours à Saint-Tropez, il est toujours à Mégève, tout va bien pour lui, il n'a pas de problème. Oui, mais c'est un petit peu normal, remarquez, le métier que nous faisons oblige un peu les gens à voir le beau côté de la chose sans penser que de présenter un tour de chant sur une scène d'une heure ou plus, ça peut quelquefois être difficile à faire, quelquefois difficile à préparer. Nous ne travaillons pas toujours, malheureusement, dans les conditions optimales. Et puis alors, le côté Mégève et Saint-Tropez, bien sûr, j'ai la chance de temps en temps de pouvoir aller là-bas parce que j'y ai beaucoup d'amis et que, si vous voulez, j'ai la fierté un peu d'appartenir à ces deux villages, puisque pour moi, ce sont des villages, ce ne sont pas seulement des lieux de vacances. Et qu'il y a toujours, bien sûr, dans ces endroits-là, un photographe qui traîne, il y a des délais d'impression de journaux, alors ça paraît au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, et on a l'impression finalement, grâce à une photo qui a été prise, ou à une série de photos qui a été prise peut-être le seul jour où j'y étais pour voir mes enfants parce qu'ils y sont, et ma femme, on a l'impression que j'y passe ma vie. Évidemment, mais enfin, finalement, vaut mieux faire envie que pitié. Enfin, il faut bien reconnaître toutefois qu'à une certaine époque, vous avez été le bonheur des dames. Mais seulement pendant les mois de juin, parce qu'en juillet, au mois d'août, je faisais mes tournées d'été traditionnelles. En fait, on en a aussi beaucoup raconté, mais enfin... vous savez, j'ai toujours dit... Il ne faut pas refuser son passé. Non, je ne le refuse pas, bien au contraire, je ne le renie pas non plus. Non, mais ce que je trouve, en fait, c'est qu'à cette époque-là, j'étais très jeune, j'étais chanteur et presque célèbre. Et parmi les gens jeunes qui chantaient, qui étaient célèbres, j'étais normalement constitué. Donc, je n'ai rien à regretter. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Enfin, il y a eu Brigitte Bardot. Ah, mais c'est une chose très sérieuse. J'ai été fiancé avec Brigitte Bardot. Seulement, évidemment, il est certain que la popularité de Brigitte a fait que vos confrères de la presse, qui ne sont pas toujours des gens tendres, bien sûr... Qui sont des gens curieux et qui à l'époque étaient un petit peu, je dois dire, jaloux de tout ce qui arrivait à Brigitte, enfin de tous les gens qui étaient autour de Brigitte parce qu'elle était vraiment leur produit. Ils la considéraient comme telle, du moins. Ces gens-là, évidemment, n'ont pas admis qu'un garçon jeune, normalement constitué et qui à l'époque n'avait pas... je travaillais très sérieusement, j'étais éditeur de musique, j'avais vraiment une occupation, je gagnais bien ma vie, je n'avais besoin de personne à ce point de vue-là, mais évidemment j'avais eu le malheur d'avoir déjà un disque sorti dans lequel je chantais. Et alors ça ne leur a pas plu, comme je ne leur ai pas plu, et à ce moment-là je me suis vraiment fait agresser, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je suis devenu le jeune gigolo que Brigitte avait ramassé dans le ruisseau et qui profitait d'elle pour se faire de la publicité et pour vivre. Vous avez souffert ? Ça m'a beaucoup gêné. Non, j'en ai pas souffert, soyons honnêtes, parce que les chiens aboient et la caravane passe, mais ça m'a quand même un petit peu gêné à l'époque, et ça m'a gêné même très longtemps. Il m'arrive encore d'aller dans certains pays maintenant où je suis vraiment admis comme Sacha Distel, vedette de la chanson française, où on me parle encore de Brigitte Bardot, et vraiment, même souvent devant ma femme Francine, qui est quelquefois, enfin assez souvent avec moi. Elle avait été gênée, elle ? Non, pas du tout, puisque c'était bien avant que nous rencontrions. Et non, mais aujourd'hui encore, qu'il y ait eu cela. Non, parce qu'elle considère comme moi que les gens qu'ils font sont des gens mal élevés, d'abord, pour commencer. Et puis ensuite, parce que ça n'a vraiment aucune importance. C'était avant. Et puis, il n'y a pas de raison de leur nier, bien sûr. Très sincèrement, tout de même, vous étiez content d'être, à cette époque, qui était celle de vos débuts, le chevalier servant d'une star. Je n'étais pas le chevalier servant d'une star, j'étais Sacha Distel, fiancé de Brigitte Bardot. C'est une nuance différente, c'est une énorme nuance. Et je n'ai considéré mes rapports avec Brigitte à cette époque-là que comme tel. Et le jour, du reste, où nous nous sommes aperçus que finalement, j'en reviens toujours à mon sens bourgeois de la famille, nous n'étions pas faits pour avoir des enfants ensemble et pour vivre ensemble, et que dans la mesure où nous aurions des enfants, nous ne pourrions pas les élever ensemble, du reste elle l'a prouvé sans moi par la suite, eh bien à partir de ce jour-là, nous avons rompu nos fiançailles, et nous sommes restés relativement... nous sommes restés très bons amis, mais quand je dis relativement, c'est parce que nous nous voyons presque jamais. En tout cas, dans certains Sacha Show, on l'a vu. Bien, c'est le jour où, trois fois de suite, Brigitte m'a demandé de participer au Sacha Show. Je dois dire, j'en étais très fier et très heureux. Je disais que ce soit elle qui ait demandé. J'ai eu, moi, le plaisir, Sacha Distel, star, de recevoir revanche, hein. Brigitte Bardot, débutante, chanteuse. Je disais tout à l'heure que vous étiez, à une certaine époque, le bonheur des dames, ça vous a fait beaucoup sourire. Mais je précise qu'aujourd'hui encore, vous faites terriblement confiance aux femmes. Et je le vois dans vos émissions. Il y a Petula Clark, il y a Sylvie Vartan, il y a Marie Laforêt, il y a Mireille Mathieu. Oui, Mireille, en fait Mireille, j'ai des liens un petit peu différents avec Mireille, étant donné que Mireille... Pas d'aventure. Non, absolument pas. Oh, remarquez, je lui fais une grosse bise de temps en temps. Mais je crois que beaucoup de gens le font, du reste. Non, il se trouve que Mireille a chanté pour la première fois sur une scène au cours d'un spectacle de l'Olympiade dont j'avais l'animation, enfin dont j'étais la vedette. Et si vous voulez, je l'ai donc fait débuter. Enfin, je ne l'ai pas fait débuter, je l'ai vu débuter. Et ça crée des liens quand même. Elle m'appelle toujours son grand frère. Vous êtes tout de même le champion de la décontraction. La vie, oui, pour vous, c'est une fête. Non, ne croyez pas ça. Non, ne croyez pas ça. Je suis le champion de la décontraction apparente. Mais en fait, je crois que pour arriver à donner cette impression de décontraction ou de facilité, je travaille beaucoup. C'est-à-dire, je me permets d'être décontracté quand je suis sûr de ce que je fais. Mais pour être sûr de ce que je fais, croyez-moi, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Enfin, que le chemin parcouru depuis le Scooby-Doo. Rappelez-vous ce que disait un critique, Sacha Distel, c'est d'abord la facilité. On ne vous a pas pardonné. Non, on a même dit autre chose. On a même dit Sacha Distel, un honnête chanteur d'orchestre sans plus. Et c'était Max Favalelli qui avait dit ça. Tiens, moi, j'en bafouille même. Je ne l'ai pas pardonné. En tout cas, vous n'avez pas oublié. Mais il avait peut-être raison à l'époque, du reste. Mais je crois qu'il faut toujours essayer de faire un peu confiance aux gens. Vous avez voulu, en tout cas, devenir un professionnel, et c'est pour cette raison que vous écoutez, que vous regardez, et que vous essayez de comprendre. Et que j'essaye d'apprendre, surtout, oui, bien sûr. Le principal, apprendre ? Oh oui, sûrement. Non, le principal, en fait, pour moi, c'est d'avoir le sentiment, ou la sensation, et grâce aux moyens de vidéo actuels, on peut s'en rendre compte personnellement, c'est d'avoir la sensation de faire encore des progrès. Enfin, je dis encore par rapport à la notion de temps. Je crois que je suis sûr que je fais encore des progrès. C'est ce qui est le plus important pour moi. Vous avez été également l'accompagnateur de Juliette Gréco. Oui, j'étais l'accompagnateur. Et j'ai appris beaucoup de choses au contact de Juliette, puisque, je vais le dire du reste d'une façon très amicale, jouant de la guitare dans l'orchestre qui accompagnait Juliette, étant donc d'un semi-côté de la barrière, c'est-à-dire on n'est ni public ni vraiment responsable, j'ai vu beaucoup de choses qu'il fallait faire, parce qu'elle a un immense talent. Et j'ai vu beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire, parce que je considère qu'elle s'en sert très, très, très mal de son talent. Sacha Distel, est-ce que vous reprenez la phrase de Sacha Guitry lorsqu'il dit « Pour réussir une carrière, pour s'installer, il faut 5% de chance et 95% de travail. » Ah, je crois que c'était transpiration. Non, c'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Oui, complètement. On va vous écouter, non? Ça serait quand même la moindre des choses. Si vous voulez, mais écoutez, que nous sommes au bout de l'émission. Bien, vous allez voir jusqu'à quel point je pousse le souci du progrès. C'est qu'au lieu de faire comme tout le monde et d'aller dans un studio enregistré par petits bouts, c'est-à-dire une partie de l'orchestre à part, une autre partie de l'orchestre à part, le chanteur quand c'est fini et encore d'autres trucs et artifices, eh bien moi, j'ai fait mon dernier disque en public et tout le monde en même temps, et tout le monde chante en même temps. On écoute. Time.